Mimi Pinson, Profil de grisette, par Alfred de Musset. Lu par Sarah. Chapitre 1. Parmi les étudiants qui suivaient, l'an passé, les cours de l'école de médecine, se trouvait un jeune homme nommé Eugène Aubert. C'était un garçon de bonne famille qui avait à peu près 19 ans. Ses parents vivaient en province et lui faisaient une pension modeste, mais qui lui suffisait. Il menait une vie tranquille et passait pour avoir un caractère fort doux. Ses camarades l'aimaient. En toutes circonstances, on le trouvait bon et serviable, la main généreuse et le cœur ouvert. Le seul défaut qu'on lui reprochait était un singulier penchant à la rêverie et à la solitude, et une réserve si excessive dans son langage et ses moindres actions, qu'on l'avait surnommée la petite fille, surnom du reste dont il riait lui-même, et auquel ses amis n'attachaient aucune idée qui pût l'offenser, le sachant aussi brave qu'un autre au besoin. Mais il était vrai que sa conduite justifiait un peu ce sobriquet, surtout par la façon dont elle contrastait avec les mœurs de ses compagnons. Tant qu'il n'était question que de travail, il était le premier à l'œuvre. Mais s'il s'agissait d'une partie de plaisir, d'un dîner au moulin de beurre, ou d'une contredanse à la chaumière, la petite fille secouait la tête et regagnait sa chambrette garnie. Chose presque monstrueuse parmi les étudiants. Non seulement Eugène n'avait pas de maîtresse, quoique son âge et sa figure eussent pu lui valoir des succès, mais on ne l'avait jamais vu faire le galant au comptoir d'une grisette, usage immémorial au quartier latin. Les beautés qui peuplent la montagne Sainte-Geneviève et se partagent les amours des écoles lui inspiraient une sorte de répugnance qui allait jusqu'à l'aversion. Il les regardait comme une espèce à part, dangereuse, ingrate et dépravée, née pour laisser partout le mal et le malheur en échange de quelques plaisirs. Gardez-vous de ces femmes-là, disait-il. Ce sont des poupées de fer rouge. Et il ne trouvait malheureusement que trop d'exemples pour justifier la haine qu'elles lui inspiraient. Les querelles, les désordres, quelquefois même la ruine qu'entraînent ces liaisons passagères dont les dehors ressemblent au bonheur, n'étaient que trop faciles à citer, l'année dernière comme aujourd'hui, et probablement comme l'année prochaine. Il va sans dire que les amis de Gênes le raillaient continuellement sur sa morale et ses scrupules. Que prétends-tu? Lui demandait souvent un de ses camarades nommé Marcel, qui faisait profession d'être un bon vivant. Que prouve une faute ou un accident arrivé une fois par hasard? Qu'il faut s'abstenir, répondait Eugène, de peur que cela n'arrive une seconde fois. Faux raisonnement, répliquait Marcel. Argument de capucin de cartes. Qui tombe si le compagnon trébuche? De quoi vas-tu t'inquiéter? Tel d'entre nous a perdu au jeu. Est-ce une raison pour se faire moine? L'un n'a plus le sou, l'autre boit de l'eau fraîche. Est-ce qu'Élise en perd l'appétit? À qui la faute si le voisin porte sa montre au Mont-de-Piété pour aller se casser un bras à Montmorency? La voisine n'en est pas manchotte. Tu te bats pour Rosalie, on te donne un coup d'épée. Elle te tourne le dos, c'est tout simple. En a-t-elle moins fine taille? Ce sont ces petits inconvénients dont l'existence est parsemée, et ils sont plus rares que tu ne penses. Regarde un dimanche quand il fait beau temps. Que de bonnes paires d'amis dans les cafés, les promenades et les guinguettes. Considère-moi ces gros omnibus bien rebondis, bien bourrés de grisettes, qui vont au Ranelagh ou à Belleville. Compte ce qui sort, un jour de fête seulement, du quartier Saint-Jacques. Les bataillons de modistes, les armées de lingères, les nuées de marchandes de tabac. Tout cela s'amuse, tout cela a ses amours, tout cela va s'abattre autour de Paris, sous les tonnelles des campagnes, comme des volées de friquets. S'il pleut, cela va au mélodrame manger des oranges et pleurer. Car cela mange beaucoup, c'est vrai, et pleure aussi très volontiers. C'est ce qui prouve un bon caractère. Mais quel mal font ces pauvres filles qui ont cousu, bâti, ourlé, piqué et ravaudé toute la semaine en prêchant d'exemple, le dimanche, l'oubli des mots et l'amour du prochain? Et que peut faire de mieux un honnête homme qui, de son côté, vient de passer 8 jours à disséquer des choses peu agréables que de se débarbouiller la vue en regardant un visage frais, une jambe ronde et la belle nature? Sépulcre blanchi, disait Eugène. Je dis et maintiens, continuait Marcel, qu'on peut et doit faire l'éloge des grisettes et qu'un usage modéré en est bon. Premièrement, elles sont vertueuses, car elles passent la journée à confectionner les vêtements les plus indispensables à la pudeur et à la modestie. En second lieu, elles sont honnêtes, car il n'y a pas de maîtresse lingère ou autre qui ne recommande à ses filles de boutique de parler au monde poliment. Troisièmement, elles sont très soigneuses et très propres, attendu qu'elles ont sans cesse entre les mains du linge et des étoffes qu'il ne faut pas qu'elles gâtent, sous peine d'être moins bien payées. Quatrièmement, elles sont sincères, parce qu'elles boivent du ratafia. En cinquième lieu, elles sont économes et frugales, parce qu'elles ont beaucoup de peine à gagner 30 sous. Et s'il se trouve des occasions où elles se montrent gourmandes et dépensières, ce n'est jamais avec leurs propres deniers. Sixièmement, elles sont très gaies, parce que le travail qui les occupe est en général ennuyeux à mourir, et qu'elles frétillent comme le poisson dans l'eau dès que l'ouvrage est terminé. Un autre avantage qu'on rencontre en elles, c'est qu'elles ne sont point gênantes, vu qu'elles passent leur vie clouées sur une chaise dont elles ne peuvent pas bouger, et que par conséquent, il leur est impossible de courir après leurs amants comme les dames de bonne compagnie. En outre, elles ne sont pas bavardes, parce qu'elles sont obligées de compter leurs points. Elles ne dépensent pas grand-chose pour leurs chaussures, parce qu'elles marchent peu, ni pour leurs toilettes, parce qu'il est rare qu'on leur fasse crédit. Si on les accuse d'inconstance, ce n'est pas parce qu'elles lisent de mauvais romans ni par méchanceté naturelle. Cela tient au grand nombre de personnes différentes qui passent devant leur boutique. D'un autre côté, elles prouvent suffisamment qu'elles sont capables de passions véritables par la grande quantité d'entre elles qui se jettent journellement dans la Seine, ou par la fenêtre, ou qui s'asphyxient dans leur domicile. Elles ont, il est vrai, l'inconvénient d'avoir presque toujours faim et soif, précisément à cause de leur grande tempérance. Mais il est notoire qu'elles peuvent se contenter, en guise de repas, d'un verre de bière et d'un cigare, qualité précieuse qu'on rencontre bien rarement en ménage. Bref, je soutiens qu'elles sont bonnes, aimables, fidèles et désintéressées, et que c'est une chose regrettable lorsqu'elles finissent à l'hôpital. Lorsque Marcel parlait ainsi, c'était la plupart du temps au café, quand il s'était un peu échauffé la tête. Il remplissait alors le verre de son ami et voulait le faire boire à la santé de Mademoiselle Pinson, ouvrière en linge, qui était leur voisine. Mais Eugène prenait son chapeau et, tandis que Marcel continuait à pérorer devant ses camarades, il s'esquivait doucement. Fin du chapitre 1.